rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Soprano. Skyrock. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Soprano, c'est maintenant sur Skyrock. Ah, je pensais faire un début d'émission tranquille, calme. Je me suis dit, les deux petits fougueux énervés ne sont pas là, Sopra. Et tu me les... Non, non, il est qui arrive, tu dis. Oh non. On va le retourner. Bonsoir, bienvenue, c'est Planet Rap avec Sopra. Comment ça va, Sopra? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils arrivent. T'es content, il y a tes frangins qui sont arrivés? Ils arrivent, ils foutent le bordel. Ils sont fous. Ça va, messieurs? Ça va, toi? Ça va? Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est l'équipe, il y a pratiquement toute l'équipe du concert. Il y a Mesh qui est là, qu'on salue. Non, il n'y a pas toute l'équipe. Non, il n'y a pas. Voilà. Il manque le décor. Non. Demain, on va venir avec. Mais dis un mot sur les dissipés qui viennent d'arriver dans la classe, là, au fond de la classe. Hein? C'est quoi? On m'a dit de donner ça à Fred qui passe l'émission avec. Ah, c'est c'est un élément du décor de la tournée de Cosmo. C'est un élément du décor, donc je vais le mettre. Voilà. Ah bah j'ai pas l'air d'un con avec ça, tiens. Bon, avant d'en savoir plus. C'est toujours sur moi. Attends. C'est donc les clowns qui ont débarqué. Putain, c'est chaud pour parler quand même, Sonic. Je sais pas comment tu fais pour chanter avec. T'imagines un concert, je le mets de côté, les images sont dispo sur Skyrock FM. Mais juste avant de débuter donc l'émission Le Planet Rap de ce soir, voici ce qui s'est passé hier, où on était bien, on était au calme, on a pu parler tranquillement. Voici ce qui s'est passé pour les retardataires hier soir dans l'émission avec Sopra. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Bonsoir Sopra, comment ça va? Yeah. Je me souviens, j'ai l'impression que c'était hier, il y a quelques mois de cela, on était dans ta salle de concert privée. Ah ouais, t'as vu? C'était bon, hein? Je vous ai fait bouger et tout pour faire le Planet Rap, c'est cool. Hein, pour le lancement de Cosmopolitanie. Ouais, super. Album qui a fait un véritable carton, tout va bien pour l'album? Ouais, ça se passe super bien. Quel est le bilan, Sopra, de l'album pour l'instant? Ben, on m'a dit on était double platine, les concerts sont presque toutes complètes. C'est pour ça qu'on est venu cette semaine, tu vois. Ouais, c'est le Cosmo Tour. Chaque fois que j'entends, je me dis putain, merde, y a pas un concert à heure là. T'as envie de le faire? Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, bon, il doit y en avoir quelques-uns aussi, c'est n'importe quoi. Cosmo, c'est le pire. Cosmo, on l'a fait à Brest 8 fois d'affilée. Ouais. Ah oui, à la Jay-Z Kanye, quoi. Ouais, mais c'est le public qui a demandé en fait. C'est eux qui ont trouvé l'idée en fait. Quand moi j'aime bien quelque chose, souvent je le mets sur Insta, sur Twitter ou sur Facebook, qu'importe le style, je m'en fous. Quand j'aime bien un truc, je le mets. Et là, je suis tombé sur des jeunes bruxellois là, qui rappe, ça chante sur des thèmes sérieux, sur des trucs. Je dis oh, c'est quoi ça? Donc direct, j'ai partagé et voilà, je voulais leur contact. Systématiquement, en freestyle on lâche des rafales. Et celui qui dit qu'il aime pas, il se ment. Je crache du feu comme l'ancien X-Men ou comme Eminem dans Hit Mile. J'ai ce pouvoir de faire des hits sur un coup de tête. Bientôt on m'appellera Hitman. Allô. Nah, c'est les Bruxellois ou quoi? C'est Silex. Silex de Silex et Psycho de New School. Je propose un truc, mais si vous vous sentez vendredi, venez à Sky. On fait un gros freestyle avec plein de monde. Sérieux? Ouais. Vendredi là? Ah lourd. Ouais. Okay. Et bah trop fort. On vous attend vendredi. Vous êtes tous libres? Ouais, tous libres. Et bah vendredi, c'est lourd. Rencard entre 20h et 21h. Cool. Loud. Aïe. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, on dit où on pince. Mets-toi bien. Ce soir, c'est moi qui reste. Si tu danses à la carte, danse à la carte. On danse quoi? Danse à la carte. On danse comment? Danse à la carte. On danse qui? Danse à la carte. Jeffrey. Ramène-nous des garçons. Jeffrey. Ramène-nous des garçons. Planet Rap. C'était hier soir. Planet Rap. En direct sur Skyrock. Bienvenue en Cosmopolitanie. C'est Planet Rap sur Skyrock. Voilà, c'était hier soir dans l'émission. Je disais une émission tranquille, reposante. Chose qui va être différente ce soir en tout cas. Entre 20 et 21, comment ça va Sobrin? Ah, ça va bien. Impeccable, ouais, impeccable. Une longue journée, beaucoup d'interviews aujourd'hui. Mmh. C'est vrai que les gens ils font pas gaffe, mais comme je suis de Marseille, quand je viens à Paris. Tout est concentré. Tout est concentré. Donc on a. On a assez d'interviews. Voilà, on a pas arrêté. Mmh. Et après, tout à l'heure, je vais faire une dédicace à des gens avec qui je vais travailler, faire un nouveau morceau. Voilà, pour leur projet, mais j'en dis c'est pas qui plus. Non. Quoi, non. J'aime bien lancer des petits trucs comme ça. Voilà. Voilà, et je leur fais bah, une au moins un indice. Parce que je sais qu'eux, donc c'est un groupe, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont un groupe. D'accord. Voilà, ça veut dire que je vais rencontrer des gens. Voilà. Après l'émission. Voilà, après l'émission. Après l'émission, tu seras en studio. Voilà. Où ça? Quelque part, dans un studio. Mais voilà. Comment ça va? Très très bien. Tu sais qu'après il va en studio? Ouais ouais, je vais avec lui. Où ça? Écoute, c'est, tu as vu, tu descends là en bas. Ouais. Tu prends un taxi. Voilà. Et qui t'emmène directement. Exact. C'est incroyable, Beauvais. Hein. Donc on leur fait une petite dédicace. Bon voilà, bah, on est là. Donc il y a Sopra, il y a Mej, c'est tout. Hein. Non. Oh. Attends, là il y a Zach et Diego. Aïe. Voilà, il y a mon sang qui est dans leur place. Ouais, c'est les frangins qui sont arrivés. Zach et Diego qui ont sorti d'ailleurs un projet, enfin un morceau. Oui, c'est ça. Ça va, t'as déjà ça va toi? Ça va, oui, ça va. Oui, pour revenir à ce que tu disais, donc oui, effectivement. Bienvenue, messieurs. Excusez-moi, je vous avais à peine vu. En fait. C'est vrai, même pas un bonjour, rien du tout. Ouais, c'est vrai. Bienvenue à nous. Bienvenue. Ouais, Zach et Diego, ils sont là. Ça fait plaisir de vous revoir, en fait. En fait, c'était bien. C'est un bon petit moment, c'était bien. Bon alors, qu'est-ce qui se passe pour vous deux? Ben écoute, premier, moi je vais parler pour ma part parce que. Allons-y. Pour ma part parce que c'est ma première fois. Eux, c'est ta première. C'est ma première fois. Donc ma première fois, mon premier morceau sur iTunes. Avec mes frères, c'est royal. Donc là, j'ai mon petit quart d'heure de Planet Rap à moi, mon premier. Donc je suis chaud. Voilà. Donc je suis chaud. Donc voilà, c'est sur iTunes. Ça s'appelle Mama. C'est Zach et Diego featuring Soprano. Faut y aller. Donc sur Android, tout le monde. C'est vrai. Il faut que c'est fait, depuis aujourd'hui, non? Ça arrivait quand? En fait, faut bien expliquer parce que c'est la première fois. Oui. Faut bien expliquer. En fait, mes deux frères sont en train de faire un projet. Ils ont fait un projet en commun parce que eux, ils aiment beaucoup le reggae, la musique africaine, le dancehall. Bon, il faut dire qu'aussi chacun faisait partie d'un groupe aussi à l'origine. Il y avait un groupe à l'origine. Voilà, il y avait la Suija, la LM. C'est ça, carrément. Exactement. Big up à eux-mêmes. Voilà. Donc ils se sont dit. Et donc là, c'est une nouvelle aventure. Ensemble. Voilà, un projet ça, ensemble exactement. Avec ce style-là. Et ils ont fini plein de morceaux qui sont surprenants. Il y en a, c'est des tueries extraordinaires. Et merci, comment ça s'appelle? Merci. Non, mais c'est la vérité. Et surtout, il y en a un que j'aime trop. Celui où tu es? Non, c'est celui-là que je l'aime trop. Mais il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup qui sortira bientôt, j'espère. Et en fait, c'est un projet qu'ils ont travaillé et qu'ils ont clippé. Et qui s'appelle Maman, qui est sorti là. Il est sorti hier sur iTunes. Et on l'écoutera peut-être. On va l'écouter tout à l'heure. Sûrement. Ça dépend du planning. Là, je suis chaud. C'est mon premier Planet Rap. Je suis chaud. Mon petit quart d'heure Planet Rap. Non, parce que d'habitude, il est toujours avec moi. Mais c'est. Voilà, avec moi. Il est mon. C'est mon ombre. Mais là, aujourd'hui, il est là en mode artiste. Ouais, c'est ça. Là, on parle de moi. C'est pas mon Planet Rap, mais c'est mon petit quart d'heure. C'est fou. Ça va vite, hein. Tu as bien grandi. Ben j'espère en plus que le directeur des programmes écoutera le morceau. Et s'il a un petit créneau de 3 minutes. Pas. On le passera tout à l'heure. Donc le morceau, c'est Zach et Diego, le morceau Mama, c'est ça? Avec c'est toi, ça, Sopra. C'est ça. Après, il y a un truc à préciser aussi, voilà. C'est qu'ils sont sur scène avec moi. J'allais te le demander. Ils sont pour le Cosmoto, ils sont présents. Voilà, eux, ils sont avec moi sur scène depuis la tournée d'avant, l'autre tournée aussi. Et à chaque album, ils sont avec moi et c'est eux qui me boostent. On va dire qui me donnent la force comme Alonso et Vince. On était ensemble, tu vois. Donc ça fait depuis des des années, ils sont toujours avec moi. Yes. Et voilà, là ils sont là, on va parler de la tournée aussi tout à l'heure, mais on a travaillé un super show, on a travaillé des entrées de scène, des sorties de scène. Chorégraphie. Ah oui, j'aurais quelques questions à vous poser autour du décor. Des costumes. Ouais. Attention, j'ai pas tout de suite. Non, mais vas-y, dis-moi, vas-y. J'ai pas tout de suite. Tout à l'heure, j'aurais quelques, j'aurais quelques questions à vous poser autour des décors. J'ai goûté hier. Bon, avant d'en parler un petit peu plus justement de ce Cosmo Tour et de rappeler que dès la semaine prochaine, tu es au Zénith de Toulouse, tournée des Zéniths, des grosses salles un peu partout. On va débuter avec Clown en live. Allez, Clown, allez, en mettons-nous live. Dans, la Cosmo, dans le Cosmo Tour maintenant. Aïe. Avec Soprano et avec toute l'équipe. En live. Qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé. Je suis pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin, avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui essaie de ronger sa laisse. Mais ce soir, là, ça déplaît. Vous voulez que ça bouge? Donc je nettoie ma peine. Et ce costume qu'on enfile tous les jours, dis-moi, est-il fait sur mesure ou nous va-t-il être grand? Le Cosmo Tour de Soprano qui repart du côté de Toulouse, le Zénith de Toulouse le 10 mars, le 12 à Dijon au Zénith de Dijon, les Arènes de Metz le 13 mars, le 14 à Saint-Quentin au Splendide, le 15 au Zénith de Lille, 17 mars à la salle Cursal de Dunkerque, le 18 mars à Amiens au Cirque Jules Verne, tiens, pour aller ces deux spécimens là-bas, le 20 mars au Zénith de Paris, le 21 mars au Zénith de Nantes. Si tu savais. Genève à l'Arena, c'est le 28 mars, 31 mars à la Halle Tony Garnier de Lyon, et puis plein d'autres dates, hein, ça va aller jusque fin 2015. 2015 pour cette tournée. Qui l'arsène? C'est moi, elle m'a dit, mais je... Voilà, on m'a dit que c'est Sopra dans l'oreillette, c'est parce que tu écoutes. Tu es devenu sourd, Sopra. Ah oui, avec les années, attends. Avec les années, tu n'entends plus rien, tu es obligé, de mettre à fond. Voilà, mais là ça va mieux là. Eh ben là ça va, tout va pour le mieux. On écoutait Clown à l'instant. Ouais, ouais. Ça pareil, on... J'ai une exclu. Ah, tu as une info exclusive. Tout à l'heure, j'ai demandé... Demain, le clip du Clown, voilà. Ah bah voilà, j'ai demandé... le clip demain. Donc voilà. Demain, dans l'après-midi, fin d'après-midi. Ça, je te dirai ça quand il me dira l'heure. Sur les réseaux sociaux du cas. Voilà. C'est freestyle. Il n'y a pas de West Side, East Side. Non, ouais, mais en tout cas, c'est demain. Donc demain le clip arrive. Yes. Sur les infos, on va les communiquer au plus vite. Sur les réseaux sociaux en temps réel. Ouais, exactement. Pour avoir plus d'infos. Mais déjà, demain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, ça fait un moment même. Et mais c'est demain. Et puis la tournée donc, qui repart dans une semaine, on va parler un peu de la tournée avec justement les deux turbulents. Il y a Zach et Diego qui sont là, qui t'accompagnent. On écoutera leur morceau aussi, puisqu'il y a un morceau qui a été balancé hier, qui s'appelle Mama, qu'on va pouvoir découvrir avec toi, Sopra. Yes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui est dispo déjà tout de suite, on peut aller cliquer de l'avoir. Yes, voilà, Zach, Diego, Sopra. En fait, ouais, il faut iTunes, c'est quoi Play Store, tout ça, quoi. Voilà. Faut juste aller cliquer. Voilà, il faut juste aller cliquer. Faut aller découvrir. Et ben, on va pouvoir découvrir. Un petit mot sur cette tournée, messieurs. Ben donc écoute, là, c'est de nouveau. De nouvelles scènes. J'ai envie de te dire que c'est encore plus le feu. Ça fait super plaisir, j'ai envie de te dire. C'est quand là, on était à Abbeville, c'était n'importe quoi encore une fois. Hier j'ai écouté le Cosmo Live sur Skyrock, c'est carrément n'importe quoi, c'est encore pire de l'écouter. Ah, il faut le vivre, voilà, faut le vivre. Il faut venir. Il faut venir et... Vous, c'est quoi les premiers souvenirs justement des concerts quand vous êtes en tournée avec Sopra? C'est quoi les premières images qui vous reviennent en tête? Ben je vais faire c'est le Dôme. Quand tu vois que le Dôme il est quand tu vois que le Dôme il est blindé. Donc c'est à Marseille, hein, justement, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à Marseille. C'est à la maison. C'est à la maison. Vous y serez d'ailleurs de retour au Dôme, hein, de Marseille. Si il n'y a pas loupé, je suis en train de chercher la date. Le 3 avril. Le 3 avril. Et oui, voilà. C'est comment ça les apprendre? C'est genre les dates assez simples à retenir. Ouais. Et sinon, ouais, les gens, tout ça, le public, ce que vous ressentez et tout, c'est fou. C'est fou. Ouais, c'est bonne vibe. Ça s'amuse, quoi. Tu ressens vraiment ce que tu donnes au public, il te le redonne, en fait. Tu le ressens. Les frissons, quand ils rechantent les chansons et tout, tu le ressens. Et ça, c'est plus que tout, en fait. C'est magique. Voilà. Vous êtes combien sur la tournée, d'ailleurs, Sopra? Parce que c'est vrai que il y a toute l'équipe, mais il y a du monde quand même, sur la tournée. 18. On est 18. Et en plus, dans les 18, on peut rajouter, il y a aussi Vince, de temps en temps, qui passe avec nous sur scène pour faire oncle Phil. Il y a ceux qui font le merchandising, il y a ceux qui s'occupent du son, il y a ceux qui s'occupent de la lumière. Ouais, c'est une grosse famille, en fait, en tournée, les danseurs, à chaque fois. Ouais, c'est... On part en colo, hein. Ouais, c'est la colonie, carrément ça. C'est la tournée. J'avais demandé qui sont les plus dissipés, mais on avait... Tu sais c'est qui? Non, c'est tout le monde. Ouais. Le plus sérieux, c'est Sopra. C'est vrai. C'est le mec le plus... Mais c'est la maturité. C'est le mec calme, ouais. C'est la maturité. C'est le mec calme. C'est surtout qu'après, si je fous le bordel avec eux dans le tourbus, ça dépend les morceaux. Le concert d'après, c'est la merde. Par contre, ça dépend les morceaux qu'on envoie. Hein. Ça dépend les morceaux qu'on envoie des fois dans le bus et il envoie des pas de danse. Faut expliquer comment ça se passe dans le tourbus. Alors, attends, Ça, c'est le truc que vous ne connaissez pas parce que c'est les tourbus. C'est avant que les artistes arrivent dans votre ville. Je parle aux auditeurs, ceux qui viennent vous voir et tout. C'est des moments de décompression, de grand n'importe quoi, généralement. En fait, tu vois, on est tous dans le tourbus, on a des couchettes à l'intérieur pour pouvoir dormir, on a un salon où on peut rester là à discuter, à écouter de la musique. À l'étage, tu te reposes, en fait. Mmh. Et, normalement. Logiquement. Et en bas, genre, il y a 4 tables de salon. Et il y a des baffes et c'est le bordel. Et pour te dire, il y a personne en haut, ils sont tous en bas. Voilà, et souvent c'est ce qui déchire, c'est que on arrive en général on se fait un brief. On dit alors comment c'était, ouais, ça on l'a moins bien fait, mais ça dure 5 minutes. Mmh. Et après d'un coup, il y a DJ Mej qui prend les platines et qui commence à nous mettre du son à l'ancienne, nouveau, des trucs africains. Quand Yassia, il nous met carrément des fois la danse des canards. Normal. Voilà, c'est normal. Et c'est l'arrière. Et comme il disait Mej, des fois il y a des chorégraphies africaines. Jarazonto, tout ça là. Voilà, whisky. C'est la folie. Il y a des vidéos qui se créent. Il y a des comptes YouTube. Laisse tomber. En tout cas, on va partager tout ça sur Insta. Suivez les réseaux sociaux. On essaye de filmer tout ça avec des GoPros un peu cachés dans le bus. Et ça ira bien mettre. Donc il y a des dossiers qui vont arriver. Exactement. C'est bon. Après Jamal derrière. C'est une très bonne idée, ça, ces dossiers. Je suis preneur. C'est bon. Non, en tout cas, c'est une. super ambiance. Et cette ambiance-là, ce qui déchire, c'est grâce au public. Parce que quand, comme à chaque fois on fait des super concerts, le public il est super avec beaucoup d'énergie et surtout positif. Ça ramène ça dans le tourbus et on passe des super moments. Tiens, dites-nous on si vous avez vraiment des super moments. Si vous comptez voir Sopra en tournée près de chez vous, envoyez même les photos via le Skyrock FM, via l'application Skyrock des places de concert de Sopra. Dites-nous dans quelle ville vous allez voir Sopra. Envoyez un petit message avec le hashtag Soprano sur Skyrock. On met un extrait de l'album peut-être. Allez, vas-y. On... C'est un morceau que tu fais sur scène. Celui-ci, ouais, c'est sur cette tournée. Celui-là, on le fait sur scène. On va mettre le pain. Le pain, je réexplique. Réexplique. On va faire le pain, les gars. Ouais, je réexplique. C'est une expression de chez nous qui veut dire ah, tu fais des sous, tu te mets bien. Ouais, c'est gagner de l'argent. Tu fais le pain. Voilà, quand tu gagnes de l'argent, tu dis j'ai fait le pain. J'ai fait le pain. Tout simplement. Ouais. Expression typiquement. Ouais, c'est un morceau bon délire. Ouais. Marseillaise. Voilà. Voilà. Écoute. Allez, vas-y, on y go. Le pain. Le tour du monde avec les moines dans les rues de Panama, en Porsche Panamera. Besoin d'offrir une villa de rêve à la mama, qu'une carte postale des Bahamas, soit son nouveau panorama. De passer tous mes hivers dans les rues d'Abu Dhabi, d'avoir deux trois conteneurs remplis après le shopping, d'être sapé par les plus grands couturiers d'Italie, de couper mon téléphone allongé sur les plages de Bali. Pour les petits, des écrans dessinés sur mes appuis-têtes. Arriver en charter, besoin de repartir en jet. Besoin de payer le resto tous les soirs à Mero. Oui, mais de préférence sur les plages de Rio de Janeiro. Jamali est là, Matteo est là, DJ Mej, Nico, on se barre à Marbella. Ok, mais pour ça, comme dirait DJ Who's, négro. Ouais. Laisse-moi faire le pain, négro. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Le pain, le gain, le blé, la monnaie. C'est ce qu'il nous faut tous pour être éveillés dans. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Madame veut la dernière tenue de Nicole Richie, oui. Avec les accessoires, bracelets, colliers, sac à sortie, oh, oui. Après 2-3 heures à tourner dans la même boutique, elle me dit bébé, je veux tout ça, mais sauf ce haut de bitchy. Full la robe de mariée qu'avait Monica Bellucci, oui. La lune de miel romantique sur les plages de Tahiti, oh, oui. La baraque avec jardin, garage, piscine, terrasse, cuisine, des chambres au standing. Surtout avec un immense dressing. Nos petits, faut pas qu'ils deviennent enfants gâtés pourris, non. Mais il leur faut du Ralph Lauren et du Burberry, oh, oui. Des vacances en famille chez Donald, Mickey et Minnie. Des anniversaires, les Noël, des cadeaux à ne plus en finir. Les impôts sont là, ta chaussière est là, oh, les amis, va falloir oublier Marbella. Il nous reste la Ciotat avec DJ Rousse, négro, négro. Elle veut que tu fasses le pain, négro. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Le pain, le gain, le blé, la monnaie. C'est ce qu'il nous faut tous pour être éveillés dans. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Fais vite, il est l'or. Fais vite, il est l'or, ouais. Fais vite, il est l'or. Fais vite, il est l'or, ouais. Fais vite, il est l'or. Fais vite, il est l'or, ouais. Ouais. Eh ouais, le zen, fais le pain. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Soprano fait le pain. Eh ouais, toi tu te rends, tu es pollution, t'as sauté. Soprano, tu es un cuit, voilà, tu es un cuit. Je traîne avec toi, voilà, j'ai coulé. Arrête, toi Soprano, mets-moi à Marbella. Voilà, je connais ta repente comme rien. Courant de bêtise, mon ahango. Courant de bêtise, mon ama. Soprano, viens pas nous, Marbella. Comment? Sur le coco, un peu Wahda. Un peu Wahda. Oulé, peu le pain. Laisse-nous faire le pain. À l'instant, c'est extrait de l'album de Sopra, évidemment toujours dans les bacs l'album. Et en précommande, je rappelle que si vous ça va pas. Respire. Fatigué celui-là. Oh la vache, celle-ci, j'ai mal à passer. Alors, si vous précommandez l'album en édition collector, yes. Il y a des titres live qui arrivent. D'ailleurs, il y en a un qui est arrivé hier. Yes. Ouais, c'est la version Live. Publique Cosmo c'est Live. La version crowd. On se le repassera parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Et bon, on le repassera tout à l'heure avant la. Tu fais un morceau d'ailleurs ce soir ou pas? Non, ce soir on est en mode Zach et Diego tranquillement. Zach et Diego, fait un petit live, un petit. Je sais pas, frère. Hein, voilà, non, déjà on va passer le morceau. Ouais, déjà, ouais, voilà, morceau. C'est déjà beaucoup, non? Tu en veux? Après, même on pourra expliquer leur implication dans le concert. Oui, et bah, on va discuter, on va écouter, on fait Fresh Print si vous voulez. Ouais, voilà. On va en parler dans un instant. Ah, j'avais dit un petit mot sur les décors. Alors, ce décor, quand même, vous avez pu le découvrir, ce décor. Je t'explique. À un moment, il y a un ascenseur, mais tu as vu, il vient. Arrête. Ah, faut pas le dire. Tu as vu Usher quand il arrive et qui tourne. Non. Là, c'est 10 fois Usher. Ah, je te dis rien. Depuis que tu as balancé Nat Dogg là. Mais c'était il y a longtemps ça. Non, mais c'était il y a longtemps. Vous n'allez pas me ressortir constamment cette histoire. C'était il y a longtemps. Non, on n'oublie rien. Et puis j'ai rien dit. Regarde Alonso, j'ai absolument rien dit. Presque. Rien. Là, ça va. Un petit mot sur le décor. Non, j'ai rien. Le décor, tu sais quoi? En fait, il y a des lumières. Mais déjà, je te dis qu'il y a un écran. Donc, tu vois, déjà, tu sais qu'il va y avoir de la projection, qu'il va y avoir des trucs. Voilà, déjà, j'ai dit beaucoup. Là. Ouais, grave. J'ai envie de te frapper. Rancard, allez, Toulousain, Rancard le 10 mars au Zénith. Et puis pour tous les autres aussi, à partir du 10 mars, donc dès la semaine prochaine, dans tous les Zéniths, toutes les grosses stalles de France, envoyez vos messages avec le hashtag Soprano sur Skyrock. On reviendra, on mettra votre morceau, messieurs Zach et Diego. Yes. Avec Soprano, le morceau qui s'appelle Mama. Mama. Eldorado. On le découvre dans un instant, ne bougez pas. Yes. Et on revient aussi avec vous au freestyle par téléphone 41-759. Pour les inscriptions, c'est après ça. Ladies and gentlemen. Même son enfant, la famille, c'est Soprano dans Planet Rap. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Avec Soprano, en direct sur Skyrock. Ouais. C'est Soprano, notre invité toute la semaine à l'occasion de la tournée de Sopra qui reprend le Cosmo Tour le 10 mars du côté du Zénith de Toulouse. Yes. Et ce soir, une délégation marseillaise qui est arrivée avec Zach et Diego qui préparent un album en commun, un projet en commun. Oui. Et le premier extrait est arrivé hier. C'est ça. Il s'appelle Mama avec Soprano. Oui. Vous voulez dire un mot justement sur le concept de Zach et Diego, ce que vous allez préparer. Donc, c'est plutôt tendance reggae, hein, c'est ce que tu me disais, Soprano, un mélange c'est reggae ça. Hip-hop. C'est ça, c'est reggae, du reggae urbain, on va dire ça comme ça. Après, ouais, c'est du reggae urbain, il y a un peu des morceaux reggaeton, un peu des trucs musique africaine. Ce que vous écoutez. Voilà, ce qu'on écoute. Ce qui nous ressemble. Voilà, tu vois. C'est ça. On est parti dans une direction qui nous ressemble en fait. Donc c'est nouveau, c'est à découvrir. C'est nouveau. On a le morceau. Est-ce qu'on le passe maintenant cet extrait? Vas-y, allez. C'est un morceau qui parle de l'Eldorado. Mmh. Voilà, c'est important. C'est un message par rapport à tous ceux qui quittent leur pays pour venir en France ou ailleurs. Ou ailleurs, en Europe. Voilà, et on raconte l'étape. Voilà, d'une personne qui. Voilà, c'est qui a fait l'Eldorado. Et bon, on l'écoute. Yes. Allez, ce morceau c'est Mama, Zach, Diego et Soprano maintenant. Oh ma dit car j'en tombais du ciel. Oh maman, j'en rêve si tu savais. Étranger et vu des mauvais œils. Oh maman, j'ai peur si tu savais. Donc décide de partir là-bas. Des sacrifices pour toi, je compte pas. Te mettre à l'abri, c'est l'essentiel pour moi. Je quitte le pays et le reste, on verra. Oui, allô, maman, comment ça va? Je suis arrivé, je ne galère pas. S'il te plaît, maman, ne t'inquiète pas. Bientôt, je reviens de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans ailleurs. Je reviendrai, maman, pour construire un chapeau. Les années passent, je me débrouille même si ce n'est pas facile. Les années passent, même loin de vous, j'oublie pas mes racines. J'essaie de rester fort quand tu fonds en larmes dans ce taxiphone. Je me tue à la tâche, ta peau plaque, tes nuits passées à la plonge. Je le fais pour toi, Maman, je pense à toi. Oui, allô, maman, comment ça va? J'espère que tu reçois les mandats que je t'envoie. S'il te plaît, maman, ne t'inquiète pas. Bientôt, je reviens de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans aïe. Je reviendrai, maman, pour construire un château. Elle arrive en février. Je tape toujours au marché. Comme tu vois, je n'ai pas lâché. J'attends toujours d'avoir mon visa pour venir t'embrasser. Ils m'ont dit que c'est pour bientôt. Les poches remplies d'euros. Préviens le village que c'est le retour de ton héros. Je quitte mon pays sans aïe. Je reviendrai, maman, pour construire un château. Beau morceau, Mama à l'instant. Merci, j'ai envie de te dire. Bravo, bravo les gars, bon boulot. Non mais ça apporte une vibe, on peut essayer un truc, voilà, ça fait du bien. Merci beaucoup, frère. Ah mais leur album, il est plein de vibes différentes comme ça, c'est vraiment sur un thème qui est pas non plus tout le temps heureux non plus, parce que l'Eldorado, c'est pas tout le temps drôle. Hein. Yes. On le voit encore au quotidien avec tous les gens justement qui essayent de passer, qui essayent de passer la frontière et qui n'y arrivent pas. Et qui n'y arrivent pas, et qui retournent parfois même pas à la maison. Donc c'est un thème pas simple, développé sur ce morceau qui s'appelle Mama à l'instant. Yes, ben plus trois frères, et on raconte un peu l'histoire de notre père. Tu vois ce que je veux dire? Le morceau s'appelle Mama, mais on parle un peu de notre père. Donc voilà. Bah ouais, qui est parti justement. Quel sentimental. Qui est parti des Comores pour revenir ici. Et voilà. Et fondé justement, voilà. Il a fait 5 enfants. Fondé une dynastie. Voilà, donc c'est. Yes. C'est, voilà. C'est des choses d'ailleurs, vous parlez beaucoup avec les parents de ça, de cette histoire d'être parti des Comores. Ouais, je l'ai écrit dans mon livre, Mélancolique Anonyme. Je l'avais écrit. Mon père, c'est vrai qu'à un moment donné, il est arrivé. Je me rappelle quand j'avais raté le bac, il est venu me voir, il m'a dit Tu t'en fous. Moi, j'ai quitté, j'ai pas vu mon père mourir, j'ai pas vu ma mère mourir, j'ai pas vu mes amis, j'ai quitté tout ça pour que vous ayez un truc et toi tu en as rien à foutre, tu me dis que tu fais du son des bandits. Tu vois, c'est vrai que ouais, ça m'avait fait... Est-ce que tu expliques un petit peu dans le bouquin livre, voilà. Mais sans rentrer non plus dans les détails, parce que je pense qu'il y a une certaine pudeur aussi même. Ouais, mais quand même j'ai expliqué parce que je trouvais que c'était important, parce que mon père quand il m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup gamberger. Parce que voilà, cette chanson elle l'explique beaucoup, mais il a fait beaucoup de sacrifices, il est passé par beaucoup de choses, il y a des choses que je suis sûr qu'on sait pas, parce que par fierté qui nous dit pas, tu vois, et c'est pour ça que moi toujours avec mes frères aussi c'est pareil, mais on essaie d'être positif, souriant, pour montrer bien qu'il sûr. Il a bien fait son boulot, plus que le côté street crédibilité. Nous on s'en fout de ça, nous on veut que mon père quand il a enterré il dit j'ai fait mon boulot, mes enfants ils ont fait tous les moyens pour être des bah, c'est vrai que c'est vrai que ça a dû être dur, mais tu le dis aussi dans le bouquin quand t'as commencé à faire du rap et que mon père quand il a entendu le son des bandits il a dit mais quoi. C'est un bandit. Mais quoi? Vous comprenez pas. Et c'est vrai que nous, quand on est dans le rap en général, on a les œillères du quartier, des potes et tout. Mais quand on lève la tête un peu, c'est vrai qu'on se dit ah, c'est vrai que parfois ça peut être perçu d'une autre manière, même si c'est du second degré. Mais quand même, tu vois, pour nos parents, c'est un peu plus complexe. C'est pas pareil. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est important. On en parle beaucoup avec mon père. Il essaie de nous transmettre un peu les coutumes, les cultures du pays. Nous apprendre ce qui est bien, son expérience de vie. Mais bon, on l'a appris plus tard quand on était mariés. Parce qu'avant, il parlait pas. En même temps, il devait avoir comme tous les papas africains. Il devait avoir une certaine fierté aussi quand il vous voit sur scène tous ensemble. Tu sais, des ça fois, doit être un truc de dingue aussi, ouais, pour la famille, pour les proches. Des fois, ils m'appellent. Bon, je sais que les autres, ils sont avec toi. J'ai dit oui. Bon, ça va. Quand ils nous voient sur scène, par exemple, là, il est en France, là, parce qu'ils habitent plus, en France. Je les ai mis à, ils sont aux Comores avec leurs parents pour pouvoir les s'en occuper. Et là, il est là, mon père. Hier, je me rappelle, il disait, on vous voit. On vous voit avec les trucs internet, là, et tout ça. Et le fait de nous voir, nous trois, là, dis-toi bien que là, son cœur, il doit être content, tu vois, même mes sœurs, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on continue dans cette direction. Et je te jure que je continuerai dans cette direction. Et bon, salut toute la famille, en tout cas, tous ceux qui sont en train de nous regarder, même les plus petits. Yes. Ça va être l'heure d'aller faire dodo. Ah, Lina, il faut aller au Lina, elle, bientôt. Les tontons sont là. Lina, ya. Et le mec, il casse tout. Et les mecs qui sont en prison qui nous écoutent. Une grosse dédicace à vous, papou. Oh, ça arrive. Bah, on pense à tout le monde, au moins, c'est ça, voilà. Yes, on pense à tout le monde. C'est aussi ça, la cosmopolitanie. C'est aussi ça, le cosmotour de Sopra. Yep. On va faire le freestyle par téléphone avec Jalal de Limoges. Salut, Jalal. Salut, Fred. Limoges, c'est le 11 avril à l'espace du Cruzy pour le cosmotour. Yes, exactement ça. Salut, Jalal, ça va bien? Salut, ça va, Sopra et toi? Ouais, ça va, impeccable. Tranquille. Jalal. Ah, on vient de me dire sur quoi tu vas rapper. Oui. Ah, oui. C'est cool. Vas-y, mon pote. Ça te rappelle quelque chose? Écoute ça. Allez, vas-y, Jalal. Putain, ça me donne envie de danser, moi. Yeah. Encore un délire un peu fou. N'écoutez pas si vous êtes sourd. Suivez-moi que si vous êtes sûr. J'arrive en boîte en vête sûr. Je vais tout répéter pour être sûr. Délire un peu fou, ne m'écoutez pas si vous êtes sourd. Iso Quelly Fly, suivez-nous que si vous êtes sûr. Me tends pas la main, oui j'arrive en boîte en vête sûr. Souhaitez-moi la mort et je vous tuerai pour être sûr. Ils ont déjà voulu nous imiter, nous égaler. Disent que le rap est un game et qu'on dort. Il paraît j'ai des flots, des phases aiguisées, de la folie dans les veines, bitch. Mélange de projet X et projet Blair Witch. Qu'on me dise, tu rappes comme un robot. Si j'écris pas deux jours d'affilée, je dors, je suis en repos. Et les gars ça kick, c'est cramballé, vos bails à l'ancienne. Deux niveaux d'écart, je suis parité valant. S'il y a des bêtises à balancer, je suis taillé comme un arc posé dans le sud pépère. Je les laisse partir au lac, ou le hala comme dit Melac. Je suis un putain de phéno. Si tu mets pas une panenka, non, ne tire pas le péno. Fast life, ok. Tu veux me buter, fais-le vite. La bine fait pas le moine, donc l'argent ne fait pas le hit, Lego. Et je vois le monde en black, black beurre. Tête de mort sur un drapeau, j'ai volé le black pearl. Pas de beurre, que des frissons, vous galérez, nous maîtrisons. Fais pas le fou, y'a qu'au Monopoly que t'as vu la prison. Disons que je suis plutôt fou, mais fais pas le qu'on déconne pas. Wicked, tu ne nous rattraperas pas. Yes. Il y a que la prison. Ah, Monopoly. Jalal de Limoges, bravo à toi, Jalal. Franchement, merci. Super. Franchement, t'as tout tué, poto. Hein. Merci, Sopra. Ah, cool. Franchement. Eh bah, bravo, Jalal. Et Rancard, tu vas aller voir Sopra et toute l'équipe. Je vais aller le voir et je vais même avoir la chance de pouvoir interpréter quelques morceaux juste avant sa scène. Ah, mais c'est cool. Eh bah, ça, Limoges, je serai avec DJ Sowan à Limoges juste avant Sopra et donc voilà. Ah, bah cool. Ah ben tu vois là. Vous verrez aussi Jalal. Là ça tue. Ce que tu viens de faire là, ça tue mon poteau. On va se voir à Limoges alors. Donc le 11 avril prochain, espace du Cruzy, c'est une grosse salle l'espace. Exactement. 1200 personnes du côté de Limoges, voilà, attendu à l'espace du Cruzy pour Sopra. On va bien s'amuser alors. Donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a nickel mon poteau. Là on se voit à Limoges. Et rappelle-nous Jalal, où est-ce qu'on peut te suivre aussi sur le net? Sur Twitter, Jalal Musique. J-A-L-A-L Musique M-U-S-I-C. Donc sur Twitter. Ou alors il y a les clips sur YouTube, pareil en tapant Jalal. Et merci à toi Jalal. Ben merci à vous. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y on t'écoute. Donc je vais faire une grosse dédicace déjà à Sopra pour son Cosmotour et pour tout ce qu'il fait depuis le début. Merci. Et je vais faire une dédicace à Nas, avec qui j'ai commencé la musique. C'est un Comorien, il vient de chez vous. Donc voilà, je voulais faire une dédicace. Comment faire voilà, donc Anas et Evans aussi, je crois que vous le connaissez aussi de longue date. Donc Evans de Limoges aussi. Evans de Limoges, une grosse dédicace à toi mon poteau. J'espère qu'on se verra là-bas. Voilà, bon bah à bientôt, ça marche, merci. Ciao Jalal, sur Skyrock, c'est Soprano, le Cosmotour. Juste avant de reparler du Cosmotour et de balancer un morceau, il y a le nouveau titre de Caris qui est arrivé avec Future. J'ai promis qu'on le balançait, on le balance maintenant sur Skyrock. Vos réactions aussi avec le hashtag Skyrock, le hashtag Soprano sur Skyrock. Caris et Future tout de suite, c'est l'album qui sortira le 30 mars prochain. Back to the future, Yeah. Let's go. Get your hand just fire, my future, the wheel, you know what I'm saying? LBG, we global. RGT. I ain't gonna trust these bitches gonna tell. We don't trust no stick around none of these bitches gonna tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter, I serve a whole bell. Motherfuck, they police, nigga, my nigga, they shootin' that 12. Nigga, shootin' that police. Je me devais de les calages ni coffee. Je me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bleu pour me doper. La guerre on va la faire, y'a R, je suis OP. Je leur pisse dessus comme sur une aire de repos. Les couilles se voient même de dos. Balais ton trait, tu pas ton topo. Ici tous les coups sont vrais, t'es pas heureuse beau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. Je rentre dans le carré comme Bobby Shmurda. AK chargé et tu smurferas. Cristal que crache, mets-en dans la cuisine. Pose un pantalon legging sur le siège chauffant. Ce n'est pas un leasing. Mon gang est sur le listing. Tu m'attaques, il paraît. Rafale et ta chatte disparaît. J'augmente la dose dans le trafic. Et la criminalité sur le graphique. Même dans la saleté, faut que je m'applique. Je fais des hat-tricks, je viens d'Afrique. Je prends le pouvoir comme Napoléon. Roi soleil éclairé par les rires. T'es ébloui par mes clénons. La chute te donne les oreilles. I want you, these bitches gon' tell. We don't trust no shit around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. We don't carry no stitch around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the molly, got white, got the lean, got the kush, got the perp in the kill. My young nigga. Dans le bunker comme Oussama, Psycho Gun, Rayon Gamma, tout droit, direct, comme Otama. En même temps que la Jord annonce Bougama. Depuis vendeur de nana, organisé comme le Fatah. J'déforaille tous ces bâtards, je les mange en steak tartare. Tu veux rapper comme moi, t'es cloné. J'fais du liquide, de la monnaie. J'passe devant toi, t'es sonné. Tout se passe sous ton gros nez. J'suis pépère, VTTF, Zanotti. Arme de guerre, j'possède toute la panoplie. I won't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Don't care no sticks around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the molly, got white, got the lean, got the kush, got the perp in the pills. My young nigga. Voilà le morceau de Caris avec Future Crystal, ça sortira le 30 mars prochain. Gros morceau je trouve pour Caris celui-ci. Ah il est bien. Ah mais il écrit bien quand même. Il tue le morceau. Ouais il est bon hein, ce morceau Crystal. Je vais découvrir et déboîte. Et il y a le clip qui est arrivé si je ne dis pas de bêtises aussi dans la foulée. Non je sais pas, peut-être. En tout cas c'était le morceau. Ah il tue, moi j'aime. Mais voilà, gros morceau celui de Caris Crystal à l'instant avec Future. On revient dans ce Planète Rap avec Soprano, avec messieurs Zach et Diego. Yes. Ils sont sur scène avec toi puisqu'on écoutait le morceau, mais ils ont quand même un rôle qui est important sur scène hein, parce que. Carrément. Là c'est vrai qu'on rigole bien, on sent que carrément. Il y a quand même de. Ouais ben écoute, on perd 5 kilos à chaque date quoi. Déjà qu'on en a pas beaucoup, on y va quoi. mais c'est quand même aussi un sacré taf parce que là voilà, il y a bien sûr qu'il y a. Bien sûr. Vous transmettez quelque chose aux gens, mais il y a quand même du boulot qui est fait derrière. En fait, tu vois les gens, ce qu'ils voyaient pas, c'est que en fait tout est un peu carré. Même si on a l'impression souvent nos concerts que c'est un peu ouais. rond, mais c'est vrai que c'est un peu carré. Ça veut dire que on calcule comment on rentre, quel passage, qui parle entre les deux, les comment on gère. En plus là, on a fait dans le show, il y a une sortie d'histoire avec les danseurs, donc on essaye de gérer tout ça. On a amené un peu des chorégraphies un peu dedans. Donc le fait que eux ils soient là, oui, ça peut pas être que freestyle quoi. C'est non, pas voilà, non, c'est non, pas non, on arrive. Non. Et... Ouais, tu peux pas. De toute façon, même au niveau du show, tu physiquement tu peux pas tenir. Ouais, c'est ça. Et musicalement ils sont obligés d'être efficaces à tel ou tel moment, tu vois. C'est combien de temps? C'est 2 heures sur scène à peu près, grosso modo? Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. Un poil moins, ouais. En fait, ça dépend. Ça dépend. Ça peut déborder. Si on fait Cosmo 8, c'est ça. Après, c'est 6 heures. Ouais, ça. Moi, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Ça nous est déjà arrivé. Et donc pour vous, pareil, ouais, tout est quand même bien travaillé. Tout ouais, est... en plus on a un dictateur avec nous, Soprano est gentil, mais il est fouette. Maintenant, là, mets-toi comme ça, là, c'est Michael Jackson, le mec un peu. genre. C'est du boulot, les gars. Attends, non, comme, il faut de la rigueur. C'est du boulot. On rigole beaucoup, mais c'est du boulot. Et bah, loupez pas justement cette tournée qui repart du côté de Toulouse, au Zénith de Toulouse. Yes, venez, on va rire, on va rigoler, on va s'amuser. On va passer un bon moment, ça va faire du bien. On va gigoter. Ça va gigoter. Ça va gigoter dans tous les sens. À partir du 10 mars et jusque fin 2015. C'est ça. Ouais. Ils sont là tout le temps avec toi, Zach et Diego, sur toute la tournée. Toute la tournée, ils sont avec moi. Parce qu'en fait, il y a une histoire. Les deux dans le concert, c'est les frères qui se disputent tout le temps. Ouais, parce que c'est toujours mon côté qui gagne, en fait. Ah, non, bah voilà, ça commence à se dévoiler les choses. Voilà, petit à petit, tu commences à dévoiler le concert. C'est frère pétard. C'est Mèche qui est pas content, regardez, il est pas content. Non, moi je suis content, mais. Faut venir en fait. Ouais, faut venir. Et bah, allez voir la tournée, le Cosmo Tour. On finit avec quel morceau, Sopra? On fait un live, on met un morceau du live justement de la réédition de l'album. Ouais, on a le temps de quoi, Fab? On a le temps de quoi? Un morceau? Deux morceaux. On se fait Fresh Prince en live et après on remet Cosmo live public. Alors, mais je vais au platine. Ouais, Fresh Prince. Comme ça. Et qui joue le rôle alors de Oncle Phil dans Fresh Prince ce soir? C'est toi? Un de vous deux qui fait Oncle Phil, vas-y. Un passe-passe, t'as vu? Ils vont se faire un passe-passe. Un passe-passe, ok, sur Oncle Phil. Vas-y, y a pas de problème. Allez, un extrait, une petite répétition, voir si ça tient la route, hein, si les deux ont bien répété, ont bien bossé. L'Oncle Phil était pas prévu. Émerdez-vous, les gars. Voici le Fresh Prince version live en répétition avant la grande tournée du Cosmo Tour. Yeah. Répétition live en direct de Skyrock, Fresh Prince. Yeah. Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme. Je marche avec les vrais, ouais, je marche avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné là. Je mets des bonbons dans les mains de mes nouvelles. Poulo. Tu vois, ça, on appelle ça répétition. Ils se sont trompés. C'est de leur faute. Je l'ai vu, c'est de leur faute. Ça va. J'ai vu. Non, mais tu sais pourquoi aussi? Parce qu'il faut que tu te lèves et que tu danses aussi. Ah, ben moi, je fais pas trop. Hein. Vas-y, là, lève et que tu danses. Jeffrey. Déjà, Fabi danse, déjà, on est bien. Fabi danse, on est prêt déjà. Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche avec les vrais, ouais, je marche avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte et c'est le buzz. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mais si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. C'est qui c'est, j'ai pété pour tailler ta gueule de bois. Bref, nous comportons pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des hits depuis l'époque de la Marelle. Oui, je sais, je vieillis pas. On l'appelle Sopra Farrell. Ils se prennent pour Barzell, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bells. Nous on brille, ce sont les deux EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Pondareb. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, on danse quoi, Fred? Danse à la Carlton. On danse comment, Fred? Remets-nous des glaçons. Va tomber, Jeffrey. Remets-nous des glaçons. Frédérico. Je débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queen. Tous les yeux sur ma sap. Toi t'es sapé comme sur Arte, donc normal qu'elle te zappe. J'entends des mecs qui clap. Et des mecs qui prennent des clac. Envoyant ma dernière snap. Mesdames, je suis marié, pas de snap. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour aller au Hilton. Laisse-moi danser à la Carlton. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, on dit nous on pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, on danse comme un Fredo. On danse comme un Fredo. À la Carlton. Ah oui, on danse comme un Fredo. À la Carlton. On danse comme un Fredo. À la Carlton. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Fredo, remets-nous des glaçons. Fredo, remets-nous des glaçons. Momo, remets-nous des glaçons. Assieds-toi, hey. Je vois que l'oncle Phil il se pavane direct à Dubaï. Une grosse dédicace à lui, à la Jeffrey Party. Ok, c'est pas le poule qui fait le poule, mais le poule qui fait le poule, mesdames. Elle est tous en ligne. Frédérico, Danse à la carte. Il va se Danse à la carte. Danse à la carte. glaçons. Fredo, remets-nous des glaçons. Fredo, remets-nous des glaçons. Fabi, remets-nous des glaçons. Ok. C'était une répétition en direct live de Sky avec une magnifique interprétation de Carlton par monsieur Frédérico. Ah, je ne suivrai pas sur toute la tournée. Hein. Yes, ça. Hey, avant de se quitter. Yes, version publique. Le titre est dispo si vous précommandez l'album maintenant. Instagram. Vous attend en tournée. Prenez des forces, répétez. T'as rien compris. Voilà. Ceux qui viennent pas ont rien compris. Allez voir le Cosmo Tour, vous avez passé un super moment. Et ouais, vous chanterez peut-être aussi. Avec nous. Avec tous ceux qui sont sur scène. Yes. Exactement. Exactement. On vous attend. Rendez-vous à partir du 10 mars du côté du Zénith de Toulouse. Yes. Eh bien, merci à vous pour cette soirée, messieurs. Demain, vous êtes là ? Oui. On reste. Ah, mais on reste là. Moi, je veux juste passer un bonsoir à mes deux acolytes, Ismaïl et Camille. Ismaïl, Camille. Et un petit salut à mon club de MMA à Marseille, la Team Sorel, voilà. Maintenant tu le sais. Mais tranquille, c'est on du sait loisir. Le mec est dans le MMA. Non, mais c'est du voilà, loisir. Voilà, viens pas nous tester parce qu'on est chaud, frère. Cool. Vous venez pas tester Mej, quoi. Mais non, pas du tout. Le MMA n'est pas un sport d'animal, ok. Non, c'est vrai. Magnifique. C'est des matchs qui durent 15 secondes. Sauf quand tu vois Jamal combattre. Je sais pas. C'est un loisir. Je fais ça un loisir. Je suis un mec peace and love. Parfait. Bah écoute, j'irai faire un jour une séance avec toi. Exactement. Mais écoute, y a pas de problème. Je vais continuer dans les dédicaces alors. On danse à la Carlton. Voilà, une dédicace à monsieur Sia Star. Ah, Sia. Voilà, une petite dédicace. Bam. ce qu'il est. Il est en train de ou d'écouter ou il écoutera tout à l'heure. Donc je lui fais une dédicace. Salut Sia et on l'attend aussi avec impatience. Dédicace à Alonso aussi. RDC. L'album est dans les bacs. Alonso, meilleur rappeur de la street. N'oubliez jamais ça. Best rapper live. Ah, voilà. Tu es carrément bilingue en fait, Sopra maintenant. Mais j'essaie. C'est la cosmopolitanie. Il parle toutes les langues. Par contre, on fait pas de dédicace à Vince. Parce que Vince, là, il est en train de, il est à Dubaï, ouais, il se pose bien tranquille, pendant que nous travaillons. Gigote à Dubaï. Gigote à Burj Khalifa, c'est un peu. Voilà. Voilà. Peut-être une surprise dans la semaine. Ah? Peut-être qui? Peut-être. Ah, peut-être. Oh, moi je suis pas au courant. Donc on va voir. Et moi non plus. Surprise, voilà. Donc rendez-vous demain, mais juste avant, on fait tourner la roulette. Tiens, ça vous manquait Marseille? Ouais. Écoutez ça. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Émilie de Marseille, oui. Comment ça va Émilie? Salut. Ça va? Salut Émilie, ça va bien? Salut Sopra, nickel. Il y a Zach et Diego, il y a Meij et il y a toi Émilie de Marseille, que des Marseillais. Eh oui. Yeah. Eh oui, normal, Marseille en force. Yeah, tu as vu, regarde, ça fait quelques jours, je suis là et rien qu'il pleut. Là, juste que tu es arrivé avec mes frères là. Le soleil est arrivé. Ah, ça, le soleil, mais oui. Il paraît qu'il faisait bon en plus, vous avez quitté Marseille aujourd'hui. Il paraît qu'il faisait super bon. Ah ouais, c'est folie. Ouais. Et allez, Émilie. Mais à 20 degrés. Limite, j'ai envie de rien te faire gagner du tout. Tu m'as dit 25 degrés. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. Et on va retrouver 10 foules juste après la radio libre. Avec toi, oh. C'est trop tard. Et ben voilà, Émilie. 24 novembre à Marseille, au dôme de Marseille. Ce ne sera pas la tournée de Sopra, mais celle de Maître Gims. Deux places pour aller voir Gims. C'est la même. Et ben voilà, c'est à pas louper. T'as déjà tes deux premières places, c'est pour toi. Il y a qui derrière qu'on entend? Ah ouais, il y a quelqu'un qui parle derrière. Je suis avec ma mère et une amie, on et fait en une famille. Petite soirée. Et bah bisous les filles. Soirée, j'ai envie de vous dire. Soirée fille. Fred, ça veut dire qu'il lui faut trois places, elle en a gagné que deux, rajoute-en une. Merci beaucoup. En tout cas, une grosse dédicace. En tout cas, une grosse dédicace à tous ceux qui sont derrière toi. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci. Et moi aussi, j'aurais une dédicace à faire. Vas-y, on t'écoute. Et d'abord parler à Sopra aussi. Bah vas-y, il est là. Si j'ai l'occasion, bah, je voulais lui dire qu'il est au top, qu'il change pas. Merci et que beaucoup. Depuis toutes ces années, il respecte ce qu'il dit et il a pas changé, c'est toujours le même. Donc continue comme ça, franchement. Merci beaucoup, vraiment. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Toujours le même. C'est pour nous. On en reparlera demain. Merci beaucoup. Oui. Tu sais pourquoi il se moque de moi? Parce que j'ai des animaux sur mon. Oui, sur c'est vrai qu'il y a des bêtes sur ce point depuis hier. Donc, Il comprend rien. C'est le boss du perroquet gang. On te fait un bisou, Émilie, en tout cas. Merci, Émilie. En tout cas, ça m'a touché. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Ciao. Et on parlera des animaux que t'as. C'est ta marque de fringues. On en parlera demain un peu plus. Tu veux dire un mot quand même dessus? On en parle demain, Quel. Ouais, il s'appelle Quel, c'est ça la marque. Voilà, en plus, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, c'est dans tous les magasins. Tout le monde me demande. C'était un long travail, mais enfin. On en parlera demain. On parlera demain de la marque Quel, la marque de Sopra. Merci à vous, Zach et Diego. Mais merci on rappelle à toi. Il y a Mama qui est dispo dans les bacs digitales. Exactement. Yes, sur les plateformes iTunes, de téléchargement. Tout ce que tu veux, Play Store, tout. Il n'y a pas de peine. Hémorroïdes, Soprano, Zach et Diego. Allez cliquer. Enfin, sur Hémorroïdes, faites gaffe quand même. Ouais, Hémorroïdes, c'est chaud. Cliquez pas trop dessus. Non. Ça peut faire mal. Merci à vous, en tout cas, rencard demain. Yes. Dédicace à tous ceux qui viennent chaque fois nous voir, quand même, ils sont derrière là. Parce que maintenant, ils peuvent rentrer là, mais quand même, ils ont fait une dédicace là-bas. Mais on se voit là maintenant de suite, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Il y a Vigipirate à la radio maintenant. Oh, Camille, je te vois. Ouais, c'est pas notre faute. Naël, allez, Olinel. Allez, ça y est. Naël, Lia, tout ça là. Tout le monde au lit. Naya, Luna, Lenny. Lenny, tu as cassé le A. Maman m'a envoyé une photo. Tu as cassé un truc, j'arrive. T'inquiète. Oh, attends. Momo, il y a pas des jeux FIFA. Eh bien justement, écoute Difool, il va certainement te rassurer. Pas des jeux, à chaque fois je vais me mettre à la main. Merci Fred. Merci Fred. Bah, c'est l'histoire entre Momo et Zach. Momo, il m'a dit tu as tous les jeux. Voilà. C'est Momo qui gère. C'est Momo. C'est Momo. Maman Momo. Momo, il a les clés. Non mais Momo, ce qui paraît, il les met sur le bon coin. Toi tu les as. Ah, c'est du mal. Je note là. Je note. Merci pour le dossier, c'est sympa. Oh, les iPhone 6 et tout, faites tourner. Bon, en tout cas, vous avez réussi à faire chanter Fred, si j'ai bien entendu, non? Ouais, oui, bah. Non, tu as raté. Il a dansé. Il a dansé, chanté. Il a même failli tomber. Il a, ah, à un moment donné, il a mis le pied sur la table. Wow. Je me suis dit, oui, il va tomber. C'est vrai qu'il y a Momo. Elle a craqué. Heureusement, il y a eu Momo. Heureusement. Pourtant, c'est un danseur. Il paraît qu'il y a des vidéos déjà qui sont diffusées sur les réseaux sociaux en nombre. Ça va faire un carton. Carton, c'est le buzz de la semaine. C'est le buzz, ouais. Le buzz de la semaine. Fred qui danse sur Fresh Prince. Et Fresh Prince. Tu veux pas nous en faire une petite partie, Fredo? Bah, tout à l'heure. Ou demain. Allez, demain, promis. Demain. Allez. Entre dans le club habillé comme des. Et tu danses à la Carlton. Danse à la Carlton. Remets-nous les glaçons. Tifoul, remets-nous les glaçons. Ah ben les glaçons, c'est tout de suite. Tifoul, non, pardon. Marie, remets-nous les glaçons. Bah ouais, c'est clair. Et vous avez même raté son nez rouge. Tout à l'heure, il a fait l'émission avec le nez rouge et tout. J'ai tout, j'ai la panoplie là. Un vrai clown. Vous avez tout raté. Bon, bah merci en tout cas pour cette belle soirée. On a bien démarré la soirée. C'est pas fini. On arrive dans un instant sur Skyrock. Vous avez fait gagner Maître Gims. Et bien, on écoute Maître Gims. Attends, et les jeux? Et les jeux, j'arrive? Les jeux, c'est Momo. Momo, le chef des jeux ce soir. Spécialement pour toi. Tiens, on te. Et là, il met tout sur le banc. T'envoie Momo. Salut les gars, demain 20h, Planète. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Et là, c'est parti pour la Radio Libre avec Mac Taylor et Maître Gims. Laisse-moi te dire, premier son de la soirée. Et en direct, tout de suite, c'est parti. Ciao. Tous les matins.